C'est exactement ça qu'il veut dire. C'est exactement ce qu'il veut dire. Il y a bien des élus, mais il y a peu d'athlètes. Ouais. Beaucoup d'athlètes, peu d'élus. Ça veut dire exactement la même chose que beaucoup d'athlètes, beaucoup d'élus, peu d'athlètes. Ah, ok, c'est correct. Ça veut dire la même chose. Regardez, ça veut dire la même chose. C'est pas différent. Ils ont échangé les mots. Les mots sont chargés. Parce qu'au départ, si t'as mis, c'est pas ton affaire, automatiquement, tu y vas, puis tu le sais à un moment donné, intérieurement, mais... C'est pas de ça que tu sais. C'est pas même pas si t'es appelé ou si t'es dédié. C'est de la responsabilité. C'est ça. Hé, regarde mon nom, je m'appelle Bernard. Qu'est-ce que tu t'appelles, Bernard? Comment, hein? T'as un nouveau nom, hein, quand t'es fusionné? Ah, oh, ben oui. Jean-Bernard, qu'est-ce que c'est? C'est tranquille. Comment tu dis? Charlie, ça veut dire? Charlie. Beaucoup d'élus, plus la vie. Son style, tu sais. Son terrible. Parce que tout ce qui nous venait avant, ça venait du monde des esprits. Mais quand c'est vu à travers deux autres, ça prend toujours une autre vibration. Tout le temps, tout le temps. Tu vois les choses d'un autre aspect, le monde. T'es voué. C'est pour ça qu'au début, je me rappelle, j'ai été une période là où le contact était tellement fort que j'en venais à un point où j'étais tanné de toujours avoir raison. Là, je t'habitue, là, ça me fait rien. Mais dans ça me fatigue. Ça devient fatigué. Au début, t'es pas habitué, toujours dans... Puis tu viens, là, t'es tanné, ça te crée une tension de toujours avoir raison. Puis avec le temps, mais tu t'habitues. Ton corps s'ajuste, tes corps s'ajustent, tu t'habitues, c'est ça. Parce qu'ils ont toujours raison. Mais on a reçu beaucoup d'informations ésotériques qui occultent par le monde des esprits. Là, comment ça peut être clean up là-dedans? Fait que là. Mais entre nous autres, c'est facile. Ouais. Comme ça, d'avoir le lien. Ouais. Je te repensais, ça fait partie des mondes de la lumière. C'est divin. J'ai pas parti l'âme. D'ailleurs, le mystère de Lucifer, il faut que tu sois expliqué en gros pour pas. Mais là, je te dis. Oui.